Salut à tous, votre 260e Pop and Rock sur la trail locale RVR va tenter comme chaque semaine de vous faire voyager donc de ce soir du Seattle de Will Toledo qui avec son Car Seat Headrest vient d'ouvrir votre Pop and Rock au Greenville de Future Islands qui sort en janvier 2024, People Who Hand Their Anymore, album léger et planant qui s'ouvre avec le joyeux King of Sweden. Seattle, Greenville, voici une promenade très nord-américaine pour débuter notre pop and rock. Franchissons l'Atlantique pour retrouver les Anglais du Bombay Bicycle Club qui eux aussi nous offrent une musique légère et joyeuse. On écoute Bombay Bicycle Club avec le titre Just a Little More Time. We'll be right back. Rock de janvier 2024 ont tout un point commun, légèreté et voix planante, comme si 2024 devait commencer dans l'insouciance pour nous préparer aux futurs défis d'une vie bien triste. Isaac Delusion confirme tout cela dans son nouvel album Lost and Found, notamment dans la piste 1 Let Her Go que je vous envoie sans plus attendre. Et c'est bien dans Pop and Rock sur la très locale RVR. All day I call the night, so I keep dreams in a chair. tears. You told me half the world. Still you understood me. The several sleepless nights. You sent me to the moon. And obviously forgot. Ça me rappelle un petit peu Owl Nation avec ce titre The Best dont le gimmick reste pour toujours dans nos mémoires atrophiées. Ça fait ça. I just wanna toutes nos playlists, tous les noms et titres des artistes que vous écoutez. Foncez sur la page Facebook de Pop & Rock sur RVR. Page du rock planant de Children of the Sun et plongeons à présent vers des nouveautés plus rock, à commencer par le nouvel album de The Umbrellas qui depuis 2005 essaie un rock aux nuances Britpop comme dans le titre piste 2 de Fairweather Friends, nouvel album de The Umbrellas. Goodbye. part dans Pop and Rock, dont on découvre Fair Weather Friends, le nouvel album de The Umbrellas. Pas le temps de respirer, on enchaîne un troisième titre de The Umbrellas, Games. Cheaper game of life, gotta be the one to always roll the dice. Ouais, c'était une triplette de The Umbrellas, alors foncez sur Fairweather Friends. Les 10 pistes du dernier album de The Umbrellas vous attendent joyeusement chez votre disquaire préféré. It's time to cry. I'm haunted by a soul. I've seen electric lights. Ghosts are running after me. Venez de prendre votre dose hebdomadaire du duo rock français Clinique Rodeo avant de reprendre le fil des nouveautés de ce début 2024 et après l'influence de la Britpop de The Umbrellas, voici les rockers plus rock à papa de Courting qui sort New Last Name. On écoute Emily G. Thank you. school bus. And the TV schedule never changed. It's a managed decline compared to the 60s. 2009 is good. Il y a quelques années, grâce à la série Peaky Blinders, Pop and Rock avait découvert Frank Carter and the Rattlesnakes. Et bien fin janvier 2024 marque la sortie de Dark Rainbow, nouvel album de Frank et de ses Rattlesnakes. Alors dans Pop and Rock, on fonce sur la piste 1, Honey. Hey! Frank Carter et des Rattlesnakes, Pop and Rock valide. Hey, merci la voix off. Jazz, c'était donc Frank Carter et ses Rattlesnakes. De leur nouvel album, on aurait aussi pu vous envoyer l'hypnotique Brumbles ou encore le plus tranquille Queen of Hearts. Mais on préfère vous placer le titre qui nous avait fait les découvrir il y a quelques années, Devil Inside, qui avait illustré les Peaky Blinders. There's a devil inside of me, and he's holding on. And I don't know if he's staying or for how long. Pulling on my heartstrings, kicking in my mind. And I'm sad to say he's got me thinking about the bad parts of my life. There's a devil inside of me, and that's why it's hard.